12-10, activation orale, partie du corps. Posez une question pour chaque énoncé que vous entendez, selon les exemples. Par exemple, vous entendez... 1. Oh là, mon cou. Et vous dites... Tu as mal au cou? Vous entendez... 2. Oh là, ma tête. Et vous dites... Tu as mal à la tête? Allons-y. 3. Oh là là, ma jambe. Tu as mal à la jambe? Eh oui. 4. Oula, mon doigt! Tu as mal au doigt? 5. Oula, mon oreille! Tu as mal à l'oreille? 6. Oula, mon ventre! Tu as mal au ventre? 7. Oula, ma gorge! Tu as mal à la gorge? Eh oui!